بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. Nous sommes certes parvenus à la parole de l'auteur lorsqu'il dit وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَى وَفَضَائِلُ. Ils ont tous un rang élevé ainsi que des mérites. لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ. Cependant, le meilleur d'entre eux est الصديق, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu. فالصحابة كلهم أصحاب شرف وفضائل عالية والنصوص التي أوردناها في الأسبوع الماضي دالة على ذلك. Et donc les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous nobles et ont tous beaucoup de mérite. Et certes, les textes que nous avons cité la semaine dernière montre cela. لكن هؤلاء الصحابة يتفاضلون فيما بينهم كما هو بين في الآية التي ذكرناها في الأسبوع الماضي أيضا. Cependant, les Sahaba, les compagnons, ils se distinguent tous les uns des autres. Ils se distinguent les uns des autres. Comme nous l'avons montré, comme cela est clairement montré et apparent dans le verset que nous avons cité la semaine dernière. Dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fadhi wa qatel ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu » Ne sont pas égaux parmi vous ceux qui ont eu la foi et qui se sont investis avant la conquête de la Mecque. La vie le plus répandue chez les savants, Al-Fath ici, la conquête de la Mecque. Et donc ne sont pas égaux ceux qui se sont convertis avant cette période et ceux qui l'ont fait après. Certes, ceux-ci ont des degrés bien plus élevés que ceux qui l'ont fait après. Mais certes, Allah a promis le paradis à tous. Et donc, les compagnons, ils vont tous au paradis, radiallahu anhum. Mais certains sont meilleurs que d'autres. فَأَفْضَلُهُمْ أَبُو بَكْرٍ radiallahu anhum ثُمَّ عُمَرْ ثُمَّ عُثْمَانْ ثُمَّ عَلِي. Et donc le meilleur d'entre eux, c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, radiallahu anhum. Zakar al-Ajuriyu fi al-Sharia, an Abdillah ibn Omar, radiallahu anhuma, kala kunna fi zamanin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, la na'adilu bi Abi Bakrin ahadan, thumma Omar, thumma Uthman, ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم أو لا نفاضل بينهم. Et donc Al-Ajuri nous cite dans son livre Sharia, selon Abdullah ibn Omar, avec la chaîne de transmission jusqu'à Abdullah ibn Omar, qui dit: nous étions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne placions personne au rang de Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et ensuite nous laissions les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans les distinguer les uns des autres. Et donc les meilleurs de cette communauté, les meilleurs selon les compagnons, c'était Abu Bakr, puis Omar, puis Othman radiallahu anhum. وقد جاء بعض أهل السنة بتقديم علي على عثمان لكنهم اتفقوا بعد ذلك على تقديم عثمان. Il y a certains savants de Ahl Sunnah à l'époque qui ont favorisé Ali à Othman. Mais après cela, ils ont été tous unanimes. Ahl Sunnah, ils ont été tous unanimes sur le fait que Othman est meilleur que Ali. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés si de temps en temps vous entendez que un tel ou un tel parmi les savants, parmi les premières générations, ou du moins les générations après les compagnons, qui voyaient que Othman était donc mieux que qui voyaient que Ali était mieux que Othman. Ça, c'était en général à Koufa, et c'était pendant une courte période. Après cela, ils ont été tous unanimes sur le fait que Othman est meilleur que Ali, radiallahu anhum, comme c'était l'avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car certes, ils étaient unanimes sur cela. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mubarak, il nous cite dans, comme on peut le trouver dans Usul Sunnah de Ibn Abi Zamanayn, qui dit نأخذ باجتماع أصحاب صلى الله عليه وسلم وندعو ما سواه. Et donc Abdullah ibn Mubarak qui dit nous prenons l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous délaissons tout ce qui est en dehors de cela. وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم. Et certes, ils sont unanimes sur le fait que Othman est le meilleur d'entre eux. Il y a un problème ici ou pas? Il y a un problème ou pas ici? Il y a un problème de comprendre. Compréhension. C'est nous qui avons mal compris ou c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Peut-être dans son époque, non? Donc, peut-être qu'à son époque... C'était lui le meilleur. Othman, à son époque, c'était lui le meilleur. Barakallahu fik. Et donc, ce qui est voulu, là, lorsque il nous cite, Abdullah ibn Mubarak, que les compagnons, ils étaient unanimes sur le fait que Othman est le meilleur de cette communauté, ça, c'est après Abu Bakr et Omar. Après que Abu Bakr et Omar soient morts, les compagnons, ils ont choisi Othman. Et ils étaient unanimes sur le fait que c'est lui le meilleur de la communauté. Et donc ça, c'était après la mort de Abu Bakr et Omar. Et c'est d'ailleurs pour cela que tout de suite après, il nous dit, Abdullah ibn Mubarak, il nous dit فَعُثْمَانُ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Et donc, Othman est le meilleur de cette communauté après Abu Bakr et Omar. وَبَعْدَهُمْ Ali. Et après eux, Ali. Donc, attention, après eux, c'est-à-dire après eux trois. C'est pas après eux deux, après Abu Bakr et Omar, il y a Ali. Non, c'est après eux trois. Après Abu Bakr, Omar et Othman, il y a Ali. وَبَعْدَهُمْ Ali. ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى. Et ensuite, les meilleurs de cette communauté après les quatre premiers sont أصحاب الشورى. Ceux donc qui ont participé à la concertation. Ceux qui se sont concertés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceux qui se sont concertés. Vas-y. Non. Puisque ceux qui se sont concertés, ils se sont concertés après la mort de Omar. Donc déjà, Abu Bakr et Omar, ils ne sont pas dedans. Mais c'est sûr, ils font partie des 10. Et donc, Ashab al-Shura, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, l'histoire de la concertation. C'était pour choisir Othman. C'était pour choisir Othman. Et donc lorsque Omar, on l'a vu dans cette mosquée, la mort de Omar, parce qu'il s'est fait poignarder plusieurs fois lorsqu'il dirigeait la prière. Et donc, après cet acte, pendant qu'il était encore vivant, avant de mourir, il a nommé 6 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a nommé 6. Puis, il a dit donc que ces 6-là vont choisir entre eux lequel sera le gouverneur après lui. Et il a demandé, il a ordonné à Abdullah ibn Omar, son fils, de participer. Sauf qu'il a dit, « Laysa lahu fil hukmi shay. » Cependant, lui, il n'a rien du tout. Il ne peut pas être gouverneur. C'est vous les 6, et lui, il est là juste pour être avec vous. Et ensuite, ils ont choisi Othman. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, comme dans Sunan al-Tirmidhi, « Abu Bakrin fil Jannah. » Et donc Abu Bakr, il n'était pas avec eux. Il était déjà mort. Wa Omar fil Jannah. Omar non plus n'était pas avec eux. Wa Othman fil Jannah. Othman, il était avec eux ou pas? Non. Il était avec eux. Othman, il était avec eux. Wa Ali fil Jannah. Ali, il était avec eux? Oui, Ali, il était avec eux. Wa Talha fil Jannah. Oui. Wa Zubayr fil Jannah. Wa Abdurrahman ibn Auf fil Jannah. T'es avec eux? Wa Sa'd fil Jannah. Naam. Wa Sa'id fil Jannah. On a combien là déjà? 6. On a 6. Et donc Wa Sa'id fil Jannah. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah. Les voici les 10 El Mubashirin bil Jannah. Parmi ceux-là, ils étaient donc tous présents dans cette concertation, sauf les 2 derniers qui ont été cités, Saïd et Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, et les 2 premiers qui ont été cités, qui étaient Abu Bakr et Omar. D'accord? Et donc voilà les meilleurs de cette communauté, la communauté musulmane. Et bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine, on va interroger certains de nos frères pour voir si on a mémorisé ces 10 noms, comme certains peuvent mémoriser parfois les 11 d'une équipe de football. 23. J'espère que... Les 23. Les 23. Allez, on espère que là, les 10, ça va passer, Inch'Allah ta'ala. Et donc, ensuite, l'auteur, il nous dit « Wa akulu fil Qur'an ma ja'at bihi » Ayatuhu fahuwa al-karim al-munzal. Et je dis concernant le Coran, ce qui est cité dans ces versets. Car certes, il est le noble, celui qui a été descendu. Je dis concernant le Coran, ce qui a été cité dans ces versets. Car certes, il est le noble, celui qui a été descendu. فآيات القرآن دالة على أنه كريم أي كثير الفوائد والعلم. Et donc les versets du Coran montrent que celui-ci, il est karim, noble. Il contient beaucoup de sciences, beaucoup de leçons, beaucoup de profit. وَذُو شَرَف. Et que c'est un livre qui a un rang élevé. De la même façon que ces versets nous montrent clairement que le Coran a été descendu et qu'il n'est pas créé. Et donc c'est la parole d'Allah qui n'a pas été créée, et c'est Jibril donc qui est descendu avec cette parole. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. » Et si l'un des polythéistes te demande asile, alors accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. On peut utiliser ce verset comme preuve. Pourquoi? Pour dire quoi? Pourquoi est-ce que je cite ce verset ici? Kalimullah. Et donc, Allah qui nous dit, « Fa'ajirhu hatta yasma'a kalim Allah. » Alors, accorde-lui asile jusqu'à ce qu'il entende, afin qu'il entende la parole d'Allah. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire de ça? Non? Et donc, on va utiliser ce verset pour dire que... S'il l'entend, c'est qu'Allah y parle. Mais là, la personne... Hatta yasma'a kalim Allah, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Qu'est-ce qui est voulu par là? Il est voulu par là que la personne va entendre la récitation du Coran. Ouais. De l'imam, lorsqu'il prie, etc. Et donc, il va entendre l'imam réciter la parole d'Allah. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce verset ici? Allah Azza wa Jalla décrit le Coran en tant que sa parole. Voilà. Et donc, ça implique... Donc, lorsqu'on dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, afin qu'il entende la parole d'Allah... Il n'a pas dit jusqu'à ce qu'il entende la parole de l'imam, ou jusqu'à ce qu'il entende la parole de Jibril, ou jusqu'à ce qu'il entende la parole du prophète, ou jusqu'à ce qu'il entende la parole du récitateur. Il a dit afin qu'il entende la parole d'Allah. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce verset? Ici, dans ce passage du livre, où on vous dit que le Coran n'est pas créé. La parole d'Allah n'est pas créée. Pourquoi? Explique-moi, à partir de ce verset, que la parole d'Allah n'est pas créée. C'est ça, hein? Les attributs d'Allah Azza wa Jal sont ancrés. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas de créateur. Et donc, voilà. Et donc, fini? Quel est mon Allah? C'est sa parole, c'est un de ses attributs. Vu que c'est un de ses attributs, alors, cet attribut aussi... C'est une partie... C'est une de ses attributs. Voilà. C'est un de ses attributs. Très bien, voilà, tout simplement. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le créateur. Et tous ses attributs ne sont pas créés. Car c'est lui le créateur. Est-ce que le Coran fait partie de ses attributs? Oui, parce que le Coran, c'est sa parole. Sa parole fait partie de ses attributs. Et tous ses attributs ne sont pas créés. Et celui qui dit que l'un de ses attributs est créé, alors il est sorti de l'islam. Et donc, le Coran est la parole d'Allah et le Coran n'a pas été créé. Le fait de dire que le Coran a été créé, cette parole entraîne des conséquences lourdes. Le fait de dire que cette parole, la parole d'Allah, a été créée, nous savons que les créatures d'Allah, elles sont parfaites. C'est-à-dire que Allah les a créées parfaitement. Mais Allah les a créées avec des faiblesses. Et donc, est-ce que cette parole, il y a des contradictions dans cette parole? Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, si cette parole venait de autre qu'Allah, les wajadou fihi ikhtilafan kathira. Ils auraient vu beaucoup de contradictions dans cette parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, on en a certains qui s'amusent à cela, à essayer de chercher des contradictions dans le Coran. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Maintenant, il commence à être un peu plus connu avec Twitter, Facebook, etc. J'ai vu un prêtre qui a écrit un livre récemment pour répliquer au Coran par rapport à cela. Mais ce qu'il a cité, en fait, il n'y a rien de nouveau. Ce ne sont que des tentatives qui ont déjà été faites précédemment. Vous n'allez pas trouver de contradiction dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ni dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car cette parole n'a pas été créée. Il est important de comprendre cela. فخالف في هذا المعتزلة والجهمية فقالوا إن القرآن مخلوق. Et donc al-Mu'tazila ainsi que al-Jahmiya, ils se sont opposés à cela et ils ont dit que le Coran a été créé. فهم خالفوا كلام الله وسنة رسول الله وخالفوا الإجماع. Ils se sont donc opposés au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à l'unanimité. Ils se sont opposés à l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il nous dit, rahimahullah, comme dans Majmou al-Fatawa, le volume 12, à la page 37, il nous dit, « Wa madhhabu salafi l'umma wa a'immatiha min as-sahabati wa at-tabi'ina lahum bi ihsan wa sa'iri a'immati al-muslimin kal a'immati al-arba'ati wa ghayrihim ma dalla 'alayhi al-kitab wa as-sunnah wa huwa alladhi yuwafiqu al-adillata al-'aqliyyata as-sariha anna al-qur'ana kalamullah munazzalun ghayru makhluq. Il dit donc, rahimahullah, et la voix des pieux prédécesseurs de cette communauté et de ces grands imams parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, ainsi que les autres imams des musulmans, tels que les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, et autres, leur voix est ce qu'implique le livre d'Allah, ainsi que la sunna, et ce qui est en accord avec la raison, avec les preuves de la raison claire, que le Coran est la parole d'Allah qui a été descendue et qui n'est pas créée. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. C'est d'Allah que vient cette parole et c'est vers lui qu'elle retournera. Et donc c'est d'Allah que vient cette parole. Lorsque quelqu'un récite le Coran, est-ce qu'on va dire c'est la parole de Yassine? C'est Yassine qui récite le Coran. On va dire c'est la parole de Yassine? Non, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Peu importe qui récite cette parole, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cette parole, elle est attribuée à celui qui l'a dit. Ibtida'an, premièrement. On ne va pas attribuer cette parole à Jibril parce que c'est lui qui l'a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril a transmis au prophète la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il nous dit ensuite, Cheikh al-Islam, fa huwa al-mutakallim bil Qur'an wa at-Tawrat wa al-Injil wa ghayr dhalika min kalamihi. Laysa dhalika makhluqan munfasilan anhu. Il nous dit donc Allah, c'est celui qui a parlé avec le Coran, avec la Torah, l'Évangile et autres parmi ses paroles. Et cela n'a pas été créé et n'est pas distinct de lui. Et dans un autre passage, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il nous dit, وَلَمْ يَكُلْ أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ إِنَّ كَلَمَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ بَيْنٍ عَنْهُ. Il nous dit, il n'y a aucun des pieux prédécesseurs de cette communauté qui ont dit que la parole d'Allah a été créée et qu'elle est distincte de lui. فالخلاصة أن القرآن كلام الله وكلامه صفة له وليس منه شيء مخلوق كما قاله الإمام أحمد. Et donc en résumé, le Coran est la parole d'Allah et sa parole fait partie de ses attributs et il n'a aucun attribut qui a été créé, comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah. Et ensuite l'auteur il nous dit, وأقول قال الله جل جلاله وَالْمُصْطَفَ الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ. Et je dis, Allah, جَلَّ جَلَلُهُ a dit, ainsi que Al-Mustafa, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mustafa, Al-Hadi, celui qui guide, وَلَا أَتَأَوَّلُ, et je ne fais pas d'interprétation. فَالنَّظِمُ فِي هَذَا الْبَيْتِ والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده يتكلم عن اعتقاد اهل السنه والجماعه في الصفات. Et donc l'auteur de ce poème, dans ce vers que je viens de vous lire, le vers qu'on a vu juste précédemment il y a quelques instants et le vers d'après qu'on verra la semaine prochaine inshallah, il nous parle de la croyance des gens de la sunna concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tazkurun annana dhakarna kalaman li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fihi anna al-i'tiqad yu'khadhu 'anillah wa rasulihi wa ijma' as-salafi faqat. Et vous vous rappelez que on a vu lors du premier ou deuxième cours et on l'a répété au troisième cours et on le répète aujourd'hui au quatrième cours, on avait vu une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui nous dit que la croyance, elle est prise du livre d'Allah ainsi que de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'unanimité, c'est tout. Pour la croyance, tu ne vas pas plus loin. La croyance, elle doit être tirée de ces trois sources-là. Et c'est ça qu'on voit dans ce vers que je viens de vous lire. Et je dis, et je crois, j'ai la croyance de ce que Allah, il dit. Jalla jalaluhu. Wal-Mustafa al-Hadi. Ainsi que le prophète. Al-Mustafa al-Hadi. Et donc, je m'appuie dans ma croyance sur la parole d'Allah et son messager. Vous allez me dire, mais Abdelkarim, l'ijma, l'unanimité n'a pas été citée dans ce vers. Il n'y a pas l'unanimité. C'était dans la sunna. Non. Vous allez me dire ici, l'unanimité n'a pas été citée, Abdelkarim. Je ne fais pas d'interprétation. Et donc c'est là, wa alaykoum salam wa rahmatoullahi, c'est là qu'on va poser une question. Est-ce que l'unanimité des savants, elle est basée sur autre chose que le Coran et la Sunna? L'unanimité des savants, les savants, ils se basent sur une preuve du Coran et de la Sunna pour donner un jugement sur lequel ensuite ils seront unanimes. Et donc la base, c'est le Coran et la Sunna. Est-ce que c'est bien compris? Ok? فالمرء إن تكلم في صفات الله لا بد أن يكون كلامه مستمدا من الكتاب والسنة. Et donc l'individu, lorsqu'il parle des attributs d'Allah, il est obligatoire que sa parole soit basée sur le kitab, sur le livre et la sunna. Tu ne peux pas venir en disant, mais je pense que, vous savez, etc., etc., si tu veux, toutes les explications que Ahlul Kalam, ils peuvent nous donner. Non. Tu veux parler des attributs d'Allah? Il faut que tu ramènes El Coran ou El Sunna. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument ramener une preuve du Coran ou de la Sunna? Pourquoi? C'est la croyance. Et donc, on ne peut pas inventer. Plus précis. C'est la base du Coran, c'est la vérité avec la Sunna. Plus précis. Est-ce que tu as déjà vu Allah? Non. Non. Et donc, est-ce que vous avez déjà vu Allah? Non. Et donc, vu que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas le décrire. Tu ne peux pas me dire comment il est, tu ne l'as pas vu. Personne ne l'a vu. Et il n'y a personne donc qui l'a vu, qui nous le décrive. Moi, je l'ai vu, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Et est-ce qu'il y a une personne qui lui ressemble? Non. Et donc, on ne l'a pas vu. Et il n'y a pas une personne qu'on sait qu'il lui ressemble. Et donc, on peut dire, vu qu'il lui ressemble, il y a ci, ça. Non, on ne peut pas. Et donc, du coup, on n'a plus qu'une seule façon de savoir comment il est. El Kitab wa Sunna. C'est fini. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller plus loin. Voilà pourquoi Ahlu Sunnati wal Jama'a, concernant les noms et attributs d'Allah, il ne se base que sur cela. El Coran ou Sunna. Et toute personne qui va essayer de rajouter autre chose va forcément s'égarer. Va forcément s'égarer concernant ce sujet. Et donc on va arrêter là pour le moment, pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, on va continuer à expliquer ce même vers. Bi'iznillah. Parce qu'il y a beaucoup de sujets importants à citer ici, concernant les noms et attributs, concernant la parole d'Allah et concernant aussi at-ta'wil, donc l'interprétation. Est-ce que c'est totalement interdit ou pas? On demande à Allah Azzawajal qu'il nous accorde une science profitable et qu'il nous permette de comprendre la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a et de mourir avec celle-ci. Il est certes capable de toute chose. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.